Tu me dis tout avec tes yeux. J'ai l'impression que tu me veux, que je t'inspire. Tu joues de gestes contrôlés, prêt à me faire déraisonner, à m'affaiblir. Tu joues la lettre trop cruelle, je l'imagine sensuelle, qu'il m'affranchisse. Quand tu te lâches et que j'espère que la musique s'empare de nos corps, où tu m'en lasses et quand j'espère finir ailleurs ce corps à corps. Je me soumets à ton plaisir, comme possédé par tes désirs, je me résigne. C'est impossible et c'est risqué, c'est sans issue, c'est obligé, il me devine. Tu joues la lettre trop cruelle, je l'imagine sensuelle, qu'il m'affranchisse. Quand tu te lâches et que j'espère que la musique s'empare de nos corps, où tu m'enlaces et quand j'espère finir ailleurs ce corps à corps. De désinvoltes exaltations, saccades de mes respirations, tu en abuses. Ton corps dicte la disparition, la perte de soi, l'abandon, et tu en ruses. Tu joues la lacte trop cruelle, je t'imagine sensuelle, c'est corrosif. Quand tu te lâches et que j'espère que la musique s'empare de nos corps,